Le paresseux, un sonnet de Marc-Antoine Girard, sieur de Saint-Amand. Enregistré pour LibriVox.org. Accablé de paresse et de mélancolie, je rêve dans un lit où je suis fagoté, comme un lièvre sans eau qui dort dans un pâté, ou comme un Don Quichotte en sa morne folie. Là, sans me soucier des guerres d'Italie, du comte palatin ni de sa royauté, je consacre un bel hymne à cette oisiveté, où mon âme en langueur est comme ensevelie. Je trouve ce plaisir si doux et si charmant que je crois que les biens me viendront en dormant, puisque je vois déjà s'en enfler ma bedaine. Et étant le travail, que les yeux entr'ouverts, une main hors des draps, cher Baudouin, à peine, ai-je pu me résoudre à t'écrire ces vers. Fin du poème, enregistré par Camille Dross. Cet enregistrement fait partie du domaine public.